diète. Matter of fact, musique et rien d'autre. Rien d'autre. Planète FM. I'm not afraid of the dark. Technopolis. Sa musique est rien d'autre, rien d'autre. We'll be right back. Allez, quand c'est terminé. Prochain rendez-vous avec Technopolis, c'est dimanche prochain, évidemment, à partir de 22h. 22h minuit. C'est très bien, chez Emma Marcy, la fin de cette émission. Prochain rendez-vous, évidemment, donc dimanche prochain. Et puis prochain rendez-vous avec DJ HS, c'est évidemment à la Goa, comme tous les samedis. Un rendez-vous à ne pas manquer, évidemment. Voyageurs de Technopolis, votre traversée va s'interrompre dans quelques secondes. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage aux frontières de l'Hyperdance. DJ HS vous félicite pour votre ardeur et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là. Technopolis, game over. Technopolis, game over. Et puis je vous rappelle également que durant toute cette nuit, eh bien, on aura l'occasion de vous inviter pour le groupe Escaloupe, Antiloupe. Les Escaloupes. La meilleure de musique. La demi-heure. Bienvenue sur Contact FM.